8e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Dieu a voulu envoyer Jonas, le prophète, à Ninive, la grande ville, pour dénoncer la méchanceté de ses habitants, il s'y est refusé. Au lieu de partir vers le nord-est, il s'est tourné à l'opposé vers le sud-ouest, pour s'embarquer au port de Jaffa, vers l'Espagne. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1, 3. Installé dans son bateau avec les passagers, Jonas pense vraisemblablement que tout lui a réussi. Désormais, il est tranquille, personne ne l'incommodera ou n'entravera son expédition vers Tarsis, et nul n'ira le chercher là-bas. Aussi, comme les semaines écoulées ont été riches d'événements et harassantes, Jonas n'aspire qu'à tout oublier et dormir tout son soûl. Nous lisons verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et Dieu n'est pas embarrassé dans le choix des moyens pour arrêter l'homme sur la voie de la perdition. Aussi pour Jonas, la traversée de la Méditerranée n'aura-t-elle rien d'une croisière paisible. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les vents violents des contrariétés de toute nature s'acharneraient-ils contre l'embarcation de votre vie au point de la faire chavirer? C'est vrai que notre existence n'est pas exempte de tempêtes et même de cyclones. Et peut-être en connaissez-vous personnellement quelque chose. Mais derrière l'ouragan, sachez qu'il est un Dieu qui mesure l'épreuve et même la permet pour que vous découvriez ses voies. Et c'est bien ce que Jonas, l'obstiné, ne voulait pas comprendre. Écoutons le psalmiste dépeindre le Créateur. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Psaume 104, 3 à 4. Je m'explique. Peut-être que derrière cette maladie, ce deuil, cette épreuve familiale, ce conflit professionnel ou même cette perte d'emploi, souffle des vents qui sont les messagers de l'Éternel. Ne cherchez donc pas à vous débattre devant l'ouragan, et au lieu de vous regimber ou de vous cabrer, regardez par la foi au-dessus des nuages, recherchez les causes de la force des vents et sondez l'amour de celui qui siège au-dessus des cieux. Jonas, quant à lui, ne se préoccupait guère ni de la cause ni du dénouement de la tempête. Malgré le déchaînement des éléments, il avait réussi à s'endormir profondément dans la cale du navire. Non seulement il ne voulait entendre ni l'orage, ni le craquement des poutres du bateau, mais il faisait la sourde oreille à la voix de sa conscience. Cependant, le Dieu qui aura pitié de Ninive, et qui vient d'avoir une fois de plus pitié d'Israël, a aussi pitié de Jonas. Il lui a tout d'abord envoyé le pilote du navire pour le réveiller. « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Verset 6. On peut se le demander, comment se faisait-il que ce pilote, à qui il appartenait pourtant de tenir le gouvernail dans les flots en démence, ait quitté son poste de commande pour descendre dans la cale et secouer le seul des passagers que la tempête n'avait pas affolé? C'est que, dans son expérience d'homme de mer, ce pilote s'était bien rendu compte que ce cyclone exceptionnel dépassait en ampleur les ouragans ordinaires et qu'il n'avait plus affaire à un caprice de la météo, mais à un acte délibéré d'un Dieu inconnu mais souverain devant qui nul ne pouvait résister. Matelots et passagers n'avaient-ils pas chacun invoqué son Dieu sans effet? Verset 5. N'avaient-ils pas jeté la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire? Et tout cela pour rien, puisque le péril n'avait fait qu'augmenter? Et surtout, lorsqu'on avait jeté le sort pour savoir pourquoi ce malheur allait s'abattre sur eux tous, le sort n'était-il pas tombé sur Jonas, l'énigmatique passager qui s'obstinait à dormir quand tout le monde s'agitait pour sauver sa peau? Aussi Jonas dut-il faire face à un interrogatoire serré, versets 8 et 9. « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Poussé à bout, Jonas confesse même à ses compagnons d'infortune qu'il fuit le Dieu des cieux parce qu'il l'a chargé d'une mission impossible. Aussi insiste-t-il auprès de lui, versets 10 et 11. « Pourquoi tu fais cela? Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. « Les voyez-vous, ces matelots, adorateurs de faux dieux, qui font la leçon aux disciples du vrai Dieu, reconnaissant avant lui la culpabilité de sa désobéissance ?» Chers amis à l'écoute, il arrive que les agnostiques de notre fin de siècle soient plus conséquents envers eux-mêmes que les croyants que nous sommes, et qu'un inconverti ait plus de savoir-vivre qu'un enfant de Dieu né de nouveau. Lorsqu'un chrétien est hors de sa place, il peut se mettre dans les pires situations, et souvent, ce sont des hommes et des femmes étrangers à la vraie foi qui doivent le remettre à l'ordre. Que de cas dans la Bible où Dieu s'est servi de païens pour ramener les croyants sur le bon chemin. Le roi d'Égypte pour Abraham, les habitants de Guérar pour Isaac, les Philistins pour David, les employés du centenier romain pour Pierre, et dans le texte qui nous occupe, les marins phéniciens pour Jonas. Jonas, le passager anonyme, dont nul ne s'était occupé à l'embarquement, et qui est devenu le personnage le plus encombrant du navire, le problème numéro un, dont l'énigmatique présence à bord fait même passer la tempête à l'arrière-plan. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 12. Quel dilemme alors pour ces hommes honnêtes et sincères, et qui ne veulent pas devenir des criminels, d'être mis en demeure par un prophète du Dieu des cieux de le jeter à la mer. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 13. De toute leur carrière de marin, jamais ils n'avaient vu pareil ouragan et ne s'étaient sentis aussi impuissants devant les éléments déchaînés. Cette fois, ils avaient affaire non pas avec une mer impétueuse, mais avec le Créateur de la mer, qui venait de susciter un typhon d'ampleur inconnue pour arracher à l'inconscience l'un de ses serviteurs. Aussi, dans un geste public pathétique de désespoir, ces vigoureux bateliers lâchèrent à nouveau leur rame pour implorer, pour la première fois de leur vie, la miséricorde du Dieu des éléments, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas et dont Jonas venait de leur parler. Versets 14 et 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Si la tempête était de nature anormale, le calme survenu si soudainement après la tempête était encore plus surnaturel. Aussi, lisons-nous, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Remarquez-le, chers auditeurs, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il se sert des circonstances les plus imprévues pour se révéler à ceux qui ne se sont jamais occupés de lui. Nous vivons une époque où beaucoup de nos contemporains réfléchissent et recherchent les causes cachées des événements qui nous bouleversent tous. Les uns se tournent vers la méditation transcendantale et les religions hindoues, alors que d'autres font appel aux philosophies existentialistes ou aux séductions des gourous à la mode. À moins que, ce qui est infiniment plus grave, ils ne se tournent vers les astrologues et les médiums spirites. Mais seul l'Éternel, le Dieu de Jonas, a la solution pour le monde d'aujourd'hui. Les matelots du navire où se trouvait Jonas ont d'abord invoqué chacun sa divinité païenne. Mais c'est lorsqu'ils se sont tournés vers le vrai Dieu que la mer s'est calmée et que tous leurs problèmes ont été résolus. Aussi est-ce lorsque vous vous tournerez vers Jésus-Christ, chers auditeurs, que vous découvrirez l'issue à votre situation. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Dans votre tempête, reconnaissez donc que seul le Dieu des cieux peut vous apporter une solution valable. Et venez au pied de la croix du calvaire, où Jésus-Christ s'est offert en divin sacrifice à votre place, afin de vous réconcilier avec le Dieu souverain. Mais si ce Dieu souverain s'est occupé des compagnons d'infortune de Jonas, il n'allait pas pour autant abandonner à son sort celui qui avait été son serviteur. Jeté par-dessus bord et livré aux vagues en démence, Jonas va être délivré par le Seigneur de la manière la plus inattendue et la plus spectaculaire. De quoi nous rendre tous impatients de méditer ensemble la suite de ce récit biblique lors de notre prochaine émission. Mais de quoi aussi me permettre de conclure aujourd'hui, chers auditeurs, en vous posant la question. Vous êtes-vous reconnu dans l'entêtement et la fuite obstinée de Jonas, le prophète désobéissant? Eh bien, sachez que la grâce de Dieu n'est pas épuisée envers vous. Alors, cessez de jouer avec votre Créateur. Laissez-vous arrêter aujourd'hui même et venez à Jésus-Christ, le Sauveur, qui est toujours prêt à vous accueillir.